tu la sais. Et là, tu peux te la dire dans ta tête. Et là, tu y penses, tu trouves ça génial. Puis après le ça, problème, c'est qu'après ça, tu vas voir quelqu'un d'autre qui est mort, qui est dans ses mémoires, puis tu te demandes, qu'est-ce que tu penses de la solution? Ben l'autre, il peut te dire que c'est bon, il peut te dire que c'est pas bon. Alors, l'être humain ne peut pas développer ce savoir instantané pour la simple raison qu'il ne veut pas supporter d'avoir une conscience seule. Il préfère demander l'opinion des autres. Dernièrement, bon, hier, j'étais à la radio, il y avait un auditeur qui passait un petit peu avant, c'était une ligne ouverte, mais disons que moi, j'étais pas dans la ligne ouverte, j'arrivais un petit peu après. Bon, monsieur un tel, pourriez-vous me dire comment ça se fait que telle chose arrive, là? Vous savez, là, parce que là, moi, je suis quand même pas, vous dire, je me prends pour ce que je suis, là. Fait que je peux pas arriver à m'expliquer ça, mais vous, là, expliquez-moi-le. Il se prend pas pour ce qu'il est bien plus beau que ça. Si j'aurais dit qu'est-ce qu'il était quand il a dit ça, il m'aurait pas cru. Alors, il se prend pas pour ce qu'il est. Alors, moi, je me prends pour ce que je suis, là, j'ai... Tabarnouf! Ça, c'est extrêmement dangereux. Normalement, bon, quand on fait comme le séminaire PMC, ce qui arrive souvent, c'est que la personne me pose des questions. Quand elle vient me dire ça, elle sort, bon, quoi, elle a des problèmes. Mais elle me pose des questions, puis l'intelligence d'arriver à juste lui retourner une question, ça finit par, à force de parler, elle finit par se répondre. Puis le problème que j'en découvre souvent, c'est que là, je leur dis, ouais, tu viens de te répondre, là. Oui, je comprends, je me suis répondu, là. Mais, t'as posé la même question. Oui, je sais que c'est ça, là. Mais, bon, comment? C'est le problème. La personne, elle sait. Fait que souvent, je leur réponds, mais non, tu sais, ça c'est, ça c'est. Tout ce que tu viens de dire, là, écris-le sur un papier, puis après ça, le matin, apprends-le. T'as plus besoin d'apprendre de quelqu'un, t'apprendras au moins quoi. L'intelligence instantanée, elle est là. Elle apparaît sous forme que l'être humain peut appeler l'intuition. C'est évident qu'il y a deux formes d'intuition. Il y a une intuition qui provient de notre phénomène, de notre désir expérientiel, une intuition qui peut nous forger royalement, hein. Et on a une intuition intelligente. L'homme prudent attend et observe. Quand l'occasion est passée, il sait qu'il aura dit, hein. C'est qu'il arrive souvent. Celui qui fonce, s'il fonce à partir de son phénomène émotif, il va se tromper souvent, mais il va réussir plus souvent que l'autre. L'être humain se doit de supporter ce qu'il pense savoir ou ce qu'il sait, s'il n'a pas eu à penser sur le trouver. Il va se tromper souvent, mais c'est un chemin très, très, très parfait pour arriver à se tromper souvent. Tandis que dans l'autre cas, il tombera encore souvent. Il va jamais faire, puis il va faire les analyses, les études, puis il demandera aux autres, puis ça. Alors, on fait un petit entracte de 15-20 minutes. Si vous avez des questions, on les pose sur papier. On les amène ici. Écrivez bien, parce que sinon, on pense que Daniel ne sait pas lire. Oui. C'est vrai. Merci, Daniel.